je te vois, une fille à ton bras. Tu marches si tranquille dans cette grande ville. Quand je t'ai vu là-bas avec cette nana, et depuis ce jour-là, mon cœur a eu si froid. Et depuis ce jour-là, j'ai si peur de moi. Y a eu comme un naufrage, je trouve plus le rivage. J'ai perdu la notion du temps et de ma vie. Illusion perdue, au milieu de la vue. Illusion perdue, je crois bien que c'est foutu. Illusion perdue, mes rêves ont disparu. Ce jour-là, mon cœur a eu si froid. Et depuis ce jour-là, j'ai si peur de moi. Y a eu comme un naufrage, je trouve plus le rivage. J'ai perdu la notion du temps et de ma vie.